Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL. Alors, on ne vous apprendra rien si on vous dit que la conférence de Cancun s'est terminée la semaine dernière. Et vous avez certainement entendu chacun des bilans, un petit peu des résumés de ce qui s'est passé. Mais là, on va revenir un petit peu dans l'historique. On va remonter dans le temps et faire un petit peu un historique des différents processus internationaux qui ont conduit à cette conférence de Cancun. Et pour cela, c'est notre chroniqueur Dominique Matt qui va nous faire cette historique. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Donc effectivement, dernièrement, on a beaucoup entendu parler de la conférence de Cancun. La dernière année, on a entendu beaucoup parler aussi de la conférence de Copenhague, de l'espèce d'échec aussi autour de Copenhague. On a entendu parler aussi du protocole de Kyoto, de sa fin qui avance à grands pas. Et puis, souvent, on se perd dans tous ces grands accords internationaux. Donc, j'ai décidé de faire une espèce de mise à jour de l'historique des informations concernant ces accords-là. Donc, Tout a commencé. Premier événement, on parle des années 70, on vient de se rendre compte en fait que la pollution vient d'atteindre un niveau dangereux. Et la première réaction des Nations Unies face à cette reconnaissance-là a été la conférence de Stockholm en 1972. Donc, on a fait une réunion internationale autour d'une table pour parler des différents problèmes environnementaux. Et cette conférence a permis de mettre au pied du mur les différents États, les gouvernements, face à leur responsabilité, à leur devoir pour ce qui est de la protection et de l'amélioration de l'environnement. On considère que la conférence de Stockholm a été l'acte de naissance du droit international, en fait. L'étincelle, celle qui a fait démarrer... L'inspiration, la muse, en fait, des différents accords par la suite. Par la suite, le second événement important, il a fallu attendre 20 ans. Donc, on est au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992. Ça a mijoté longtemps quand même, entre 72 et 92. Beaucoup de théories, en fait, qui ont été mises de l'avant. Puis avant de pouvoir s'asseoir une table pour parler des clauses, il y a beaucoup de négociations. Puis, il faut croire que les différents gouvernements ne s'entendent pas toujours. Donc, trois choses très importantes qui ont été mises de l'avant, qui ont été mises sur pied au sommet de la Terre à Rio. Le premier, c'est la Convention cadre sur les Nations Unies des changements climatiques qui avait pour but de stabiliser les gaz à effet de serre à un niveau qui empêche toute perturbation dangereuse pour l'être humain sur les climats climatiques et dans un délai nous permettant de nous adapter au changement climatique. Le second pilier important a été le protocole de la diversité biologique qui, dans le fond, visait à protéger les espèces et les écosystèmes. Et le troisième pilier a été la déclaration de Rio qui faisait un bilan assez général des problèmes environnementaux et des solutions susceptibles, en fait, de résoudre ces différents problèmes-là. Par la suite, une conséquence directe, en fait, de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été le protocole de Kyoto qui a été signé le 11 décembre 1997. Donc, le protocole a pour but de réduire les émissions de gaz à effet de serre par les pays industriels, les pays signataires, finalement. Mais c'est seulement le 5 février 2005 que le protocole est rentré en vigueur. Pourquoi? Parce que la Russie, trois mois avant, avait ratifié le protocole de Kyoto. Pourquoi il fallait absolument la Russie? Oui, c'est ça. Parce que pour que le protocole de Kyoto entre en vigueur, il fallait que la quantité de gaz à effet de serre émis par les pays industriels, les signataires du protocole de Kyoto, atteint un minimum de 55% du volume total d'émissions de gaz à effet de serre des pays industriels en général. Donc, parce que sinon, on disait, s'il n'y a pas un nombre de pays suffisant, ça ne vaudrait pas la peine. C'est ça, d'engager un protocole, etc. Donc, ça aurait pu être les États-Unis. Ou quelqu'un d'autre. Donc, il fallait qu'il y ait un certain nombre de pays qui, à eux tous, représentent plus que la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Exactement. Donc, ça a pris vraiment des années. Puis, ça a été vraiment à la surprise de la communauté internationale que la Russie a décidé de signer le protocole de Kyoto. Chose étrange, c'est qu'aujourd'hui, la Russie fait partie du groupe des trois, que je vais parler un peu tantôt, qui fait partie du groupe des trois qui ne veut pas renouveler le protocole de Kyoto. Donc, ils ne sont pas seuls. Non, on est un peu... on est mal placés. Exactement. Donc, par la suite, un événement qui devait devenir suite à Kyoto, qui devait faire face au changement climatique et donner un second souffle à Kyoto, était la conférence de Copenhague. Peut-être qu'on devrait dire qu'effectivement, que Kyoto, c'était un protocole qui visait à réduire, à prendre des mesures pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2012. Oui, exactement. C'est ça. Donc, 2012 prend fin et il faut une suite. Ça prend une suite, en fait. Ils ont parlé, ce qui est étrange, c'est qu'ils ont parlé de 2020, en fait, à partir de 2020, pour avoir des réactions, des clauses ou des traités à partir de 2020, mais entre 2012 et 2020, il y a comme un néant total, en fait. Donc, c'est ça. Il y a eu la convention par la suite de Copenhague, du 7 décembre au 18 décembre 2009, Et on devait aboutir à un espèce d'accord international qui se négociait depuis de nombreuses années. Mais finalement, ça a été il y a eu des accords qui sont très timides, en fait. Ouais, ça ne s'est pas très bien déroulé. Non, malheureusement pas. Malgré la mobilisation énorme, malgré le plus grand déplacement de chefs d'État de la planète à moment-là, ouais. Aucun accord contraignant n'a été trouvé. Selon la professeure Sophie Lavallée, professeure de la Faculté de droit de l'Université Laval, Copenhague fut un recul pour ce qui est la question du développement durable. C'est à demander même si les questions de la justice sociale, la justice environnementale n'ont pas été remises en question à Copenhague. Le dernier, en fait, événement qui s'est terminé le 10 décembre dernier était la conférence de Cancun, qui était l'espoir de l'après-Copenhague. Donc, le principal objectif de la conférence de Cancun était de limiter l'augmentation de la température à 2 degrés Celsius par rapport à 1990, alors qu'on sait que les engagements avant Cancun étaient la somme de tous les engagements ensemble était de 5, allait jusqu'à 5 degrés Celsius, en fait, d'augmentation de température, ce qui n'était pas assez. Pour ce qui est des différents sujets qui étaient l'état de la question, en fait, avant la conférence de Cancun, les différents sujets qui devaient être sur la table de négociation à Cancun, on parlait de la réduction des gaz à effet de serre. On parlait aussi de la négociation du Fonds vert, qui était une mobilisation de 100 milliards de dollars par année que les pays industrialisés s'étaient engagés à donner aux pays qui étaient dans le besoin, en fait, pour s'adapter au changement climatique. Mais ça, on en avait déjà parlé à Copenhague, c'est ça? Oui, on en avait déjà parlé. En fait, ça vient de Copenhague, le Fonds vert vient de Copenhague. Ouais. En fait, c'est là que l'espèce d'accord timide s'est créé à la fin, mais on parlait du Fonds vert, en fait. Donc là, il devait normaliser ou mettre des clauses au alentour de son fonds-là pour le concrétiser un peu plus. Par la suite, il y avait aussi le fameux processus d'ajouter un cadre juridique face au changement climatique. En fait, d'ajouter un cadre où on avait des conséquences si on respectait pas nos engagements face à Kyoto. Quelque chose de plus contraignant, là. Ouais. Exactement. Chose qui revient toujours et toujours, que les gens ne s'entendent pas. C'est le plus gros point, en fait, parce qu'on n'a pas d'entente. Par la suite, la mise sur pied d'après Kyoto et un mécanisme de transfert de technologie. Donc, étant donné que Cancun a pris fin vraiment très récemment, on connaît encore très peu, il y a encore très peu d'analyses, on connaît encore très peu les impacts que les accords vont avoir dans le monde, puis il y a encore très peu de bilan des accords qui s'est fait là. Mais par contre, on peut fortement affirmer qu'on est sorti avec Cancun de l'inertie de la communauté internationale qu'on avait eue à Copenhague. On est sorti d'aller un peu plus de l'avant. Donc, on recommence à faire rouler la roue un peu. Il n'y a pas cette impression de pessimiste d'échec après Cancun, comme on l'a eu après Copenhague quand même. Si... Il y en a définitivement un, puisque les accords ne sont pas aussi fermés qu'est-ce qu'on avait besoin, en fait. Ouais. Donc, il y a un esprit positif, vu qu'on sort un peu on recommence les négociations, si vous voulez. On recommence à se parler. Oui, exactement. Donc, là, on va un peu plus de l'avant au lieu d'aller au recul comme à Copenhague, mais définitivement, il n'y a pas encore d'accords qui ont été concrétisés ou qui seraient suffisants, en fait, pour contrer les changements climatiques selon les différents écologistes, en fait. Là. Donc, les différentes questions qui ont été questions, les mesures qui ont été prises à la conférence de Cancun, ça a été la formalisation des promesses de réduction des émissions, la garantie de l'augmentation des responsabilités de chacun des gouvernements à prendre des mesures concrètes pour protéger les forêts, d'établir un fonds de financement, en fait, le fonds vert qu'on parlait tout à l'heure, de concrétiser ce fonds-là, de s'accorder pour combler les différences entre la première et la seconde phase du protocole de Kyoto, renforcer la coopération, pardonnez-moi, technologique et favoriser finalement l'adaptation des populations les plus vulnérables au changement climatique. Oui, puis aussi, je crois que ce qui a avancé, en fait, que les gens ont recommencé à se parler, c'est que la Chine et l'Inde ont bien voulu rentrer dans le processus. Exactement. Donc, du coup, ça fait un petit peu domino, parce que les États-Unis ne voulaient rien faire tant que l'Inde et la Chine ne voulaient pas non plus entrer dans le processus. Ouais. Donc, c'est ça, en fait. On s'est remis à se parler ensemble. Exactement. Le seul hic, en fait, de l'histoire, c'est que nous, on s'est positionné, le Canada, comme étant, on ne veut pas du tout un second souffle à Kyoto. Et on a suivi, en fait, les Russes et les Japonais à ce sujet-là. Donc, tout le monde va de l'avant, la Chine va de l'avant, mais nous, malheureusement, en tant que Canada, c'est ça, en fait, les grands joueurs de la planète se sont remis à se parler ensemble, sauf les joueurs, les seconds joueurs comme le Canada, qui sont pas si seconds que ça, en théorie, mais... Non, c'est à croire qu'on va perdre, je pense, de plus en plus de crédibilité au niveau international pour ce qui est de nos politiques environnementales, puis on a l'impression que le gouvernement, à la suite d'avoir perdu le siège à l'ONU, peut-être s'est dit... on n'a plus rien à perdre, donc on sort du placard aujourd'hui, et puis voilà. Ça se peut, ouais. C'est... Donc, en fait, c'est la Russie, le Japon, le Canada qui forment ce qu'on appelle le groupe parapluie, c'est ça? Le groupe parapluie, c'est ça, exactement. Ouais. Puis aussi, parallèlement, ce que je trouverais inquiétant, c'est qu'en même temps, dans les médias, on semble de moins en moins s'intéresser au changement climatique aussi. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Oui, exactement, avec tout ce qui est de la corruption, du gouvernement et tout, on dirait qu'on fait beaucoup d'ombre. Aux questions environnementales. Ouais. Je pense que les politiciens, j'ai l'impression qu'ils font presque... Finalement, ça fait leur affaire. Exactement. Donc, ça, les gens ne se rendent plus compte non plus. Puis, j'ai lu aussi dernièrement que 2010 a été la plus grosse année pour ce qui est des ventes de voitures. Donc, les gens sont quand même sensibilisés, mais pour ce qui est de la gestion... Sur papier. Oui, exactement. Ça change beaucoup. Ouais, fait qu'on parle, en fait, un peu des changements climatiques comme s'ils avaient lieu sur une autre planète et surtout comme si, finalement, on pouvait rien y faire aussi, ouais, comme si exactement. C'était quelque chose d'inéluctable. Une banalisation, en fait, peut-être du phénomène. Oui, c'est ça. Dont tu parlais. Puis c'est, en même temps, je trouve que ça, le fait que le gouvernement ne montre pas plus de volonté non plus à s'impliquer, à aller de l'avant avec ça, ça envoie un petit peu le signal que c'est quelque chose de pas très important. Alors que c'est toute autre chose. Ouais. Parce que probablement que nous, on ne ressent pas encore les impacts de ces changements-là. Ben, mais du moment qu'on va les ressentir, je pense qu'il va y avoir des réactions beaucoup plus vives là, par notre gouvernement. Puis on le regrettera. Et voilà. Est-ce que tu vas aller à Durban en Afrique du Sud parce que c'est la prochaine étape l'année prochaine? Ben, je pense, effectivement, ouais. Oui. Tout dépendamment des moyens et des fonds de subvention, mais si je peux, je vais être présent, c'est sûr. Bon, ben, alors à ce moment-là, tu nous tiendras au courant de ce que tu vas ouais, absolument. Ben, merci beaucoup, Dominique, d'être venu nous faire ce rappel historique des processus qui mèneront un jour à notre prise en compte de la détérioration du climat par l'humain. Bon, sur cette note, peut-être un peu pas très triste, on va faire une pause publicitaire.